baissait les yeux encore. Elle m'attend dès là, le cœur en bas. Elle m'attend dès là, ses cheveux volaient bien plus haut que mes yeux le voient. Elle embrassait la pâleur du ciel, cracher des arcs-en-ciel à la pâleur du ciel. On ne disait rien, on écoutait le vent chanter à tue-tête dans les arbres. Je veux plus qu'on se quitte, je veux plus qu'on se quitte. Je veux encore écouter avec toi le jour qui s'arrête, la nuit qui s'habille d'étoiles, les nuages pâles se sont fait la main. Aucun bandit ne nous délogera de notre paradis. Personne ne nous dérombera, on n'a rien à part notre papa. On ne disait rien, le vent chanter à tue-tête dans les arbres. Je veux plus qu'on se quitte, je veux plus qu'on se quitte. Tu as fini par partir avec tous mes rêves. La machine dans ma poitrine, y a du vent. Je veux plus qu'on se quitte, je veux plus qu'on se quitte.